de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. Et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit 7 et Match. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, 7 et Match, c'est maintenant sur Skyrock. Le Planet Rap avec... Ils sont là toute la semaine avec nous entre 20 et 21 avec leur album Cozy Bang Bang. C'était un extrait à l'instant. Kush, ouais, c'était Kush. Match avec nous entre 20h et 21h. On n'a pas dit un petit mot, mais demain aussi, on va continuer à récupérer vos paires de pompes, les chaussettes. J'ai vu que vous avez fait un visuel super sympa. Merci à vous, les gars. Bah écoute, merci à Frangin qui est venu de Montpellier. C'est Krix, my man, c'est un DJ. Il est venu avec deux gros sacs de ouf, avec des paires de Jordan, avec des fulls, avec des t-shirts. Donc un gros big up à lui parce qu'il s'est déplacé de Montpellier avec deux gros sacs. Et bah oui, on rappelle juste, donc c'est une collecte qu'on fait pour les migrants, hein, qu'on appelle les migrants. On ira leur déposer. Il y a un campement encore, même s'il y en a un qui a été un peu dégagé. Il y en a un autre du côté d'Austerlitz. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ils ont besoin d'avoir des chaussures et des chaussettes. Donc voilà, c'est quand même un minimum, même pour eux, aller rencontrer des gens et tout, c'est important. D'ailleurs, ils ont besoin aussi de gens qui parlent français et arabe pour les aider parfois à aller justement devant les administrations, etc. Donc si vous pouvez filer un coup de main, je vous filerai l'adresse, on vous la mettra d'ailleurs sur le Twitter de Planet Rap dans un instant. Donc, les invités de ce soir repartent donc pieds nus. Voilà, ce soir vous allez devoir nous laisser vos paires de chaussures et les chaussettes, voilà, peut-être pour certains. On fera un casting chaussettes aussi. Sauf celle de Winflow, c'est pas la peine. Ouais, voilà, si je donne mes chaussettes, moi je pense qu'il reste plus personne. Quoi. Mais en tout cas, ceux qui ont dans des armoires, dans des placards, voilà, des paires de chaussures. Alors, faut pas non plus qu'elles soient trop éclatées, mais celles qu'on met plus, voilà, qu'on laisse traîner parce que soit elles ont passé de mode, soit parce qu'on n'en peut plus, ça pourra leur convenir parfaitement. Et venez les déposer demain à la radio, hein, tout au long de la journée, ou même le mieux, un petit peu avant l'émission, aux alentours 18h45, 19h. Et tout au long de la soirée, vous les déposez au 37 bis rue Grenetta, 75002 Paris. Et en effet, ceux qui viennent de loin, alors merci aux Montpellierains d'être montés, mais ceux qui veulent les envoyer aussi par la poste, n'hésitez pas, vous envoyez à Skyrock, 37 bis rue Grenetta, 75002 Paris. Et puis on ira leur distribuer de votre part. Et merci à vous tous et merci au 7 et Match. Yes. Avec plaisir. D'y aller à fond également. C'est normal. Big Flo et Oli, pourquoi avoir invité Big Flo et Oli, messieurs? Parce qu'on n'avait pas le choix en fait, on les a invités à. C'est ça en fait, c'était le match retour. On les a piégés. Non, pas du tout, on les a piégés. Ah, non, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, on a suivi leur évolution, puis on est voisins en fait. Montpellier, Toulouse, c'est je sens la connerie là, je sens la connerie. On a des amis en commun. C'est vrai, d'ailleurs, on peut shout out Elsa, hein, carrément. On shout out Elsa, on shout out Dadou. Ouais. Dadou et Billy Bats qui nous ont permis de rencontrer. Nous, la première fois qu'on les a vus, c'était en studio, on avait débarqué, ils étaient en train de faire un son avec Dadou et Billy. On était là, lourd, c'était là la première fois. Ouais, j'avais demandé, c'est quoi les souvenirs de son que vous avez réciproquement, que ce soit de cet match ou de Big Flo Oli? Je crois que c'est du gros freestyle dans la rue à raconter bien n'importe quoi. Ouais, au Franco. Non, il y a aussi, ça, puis il y a leur rap contender qui est quand même assez lourd. Il y a leur premier son là sur l'instru de Bustaflex. Ouais, c'est que le début. C'est que le début, très très bon aussi. Avec toute leur équipe qui font les clips et tout, c'est une bonne équipe, ils sont sympas. Moi je peux pas dire parce que j'écoute pas cette match. Hashtag clash. C'est à partir de là que le planète rap s'arrête. Moi mon son préféré c'est Sunset et justement vous avez réservé un petit remix. C'est bien, il y en a un des deux qui sait que il y a un très très grand en fait dans le groupe. Un qui se libère et l'autre ici. Et qu'en plus il est à côté de vous les gars. Donc t'inquiète, on fait gaffe. Protège ton frangin, merde. Je pense à venir dans le groupe, il va s'appeler Oli. C'est ça, pour être. D'un seul coup, ça va être la fin. Et Oli. Ce soir, officiel de Big Flo Oli. Il n'en restera qu'un. Voilà, il n'en restera qu'un. Bon, en tout cas, l'album La Cour des Grands, je sais pas si vous avez écouté aussi. Si vous avez soutien, évidemment. On soutient. Évidemment. Puis on se croise souvent en concert un peu partout dans toutes les villes, là, à chaque fois. Bah, chaque fois que tu viens les voir, en fait. Ouais, à chaque fois que je viens les voir, en fait. Je prends ma place et j'y vais. D'ailleurs, les prochains... aller les voir, c'est très très lourd. C'est rare. C'est de plus en plus rare de voir vraiment des rappeurs qui déchirent en live et c'était match. En tout cas, en même temps, j'ai l'impression quand même, tu dis ça, mais j'ai l'impression que ce soit. Alors, c'est valable pour vous, c'est valable pour cet match et pour plein d'autres aussi. Je pense à Nekfeu qui a sorti son album. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une culture de scène qu'il y avait peut-être moins une époque dans le rap. Peut-être, que les gens avaient un peu délaissé et tout. Mais voilà, il y a une nouvelle culture et c'est votre cas aussi. Ouais, on en a parlé. C'est vrai qu'on a déjà parlé un petit peu lundi, mais c'est ce qui nous fait bouffer déjà. Et c'est vrai que t'es en prise directe avec ton public. C'est pas comme le net où c'est vraiment ce qui est très important, ou le disque où il y a des choses qui s'interposent entre toi et ton public. Le live, c'est du cash, c'est direct, c'est du. C'est comme Twitter, mais dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de hashtag. Voilà, il n'y a pas de hashtag, il n'y a que des visages et tu le sais direct si c'est pas bon, quoi. Il y a de l'énergie, il y a de l'adrénaline, il y a une réponse, il y a un jeu avec le public. Et vous avez souvenir de certaines scènes qui ont été plus compliquées que d'autres. Oula. Des moments où tu apprends beaucoup, d'ailleurs, de ces moments où il n'y a peut-être pas de grand monde dans la salle, justement, où il faut soulever les gens qui sont là, qui sont peut-être pas forcément acquis. Au tout début, c'était que, enfin, quand on a commencé, c'était ça, fallait se prendre des râteaux, fallait se prendre des salles avec 3-4 personnes, et c'est là où on voit vraiment si t'es fait pour la scène ou si justement t'es pas fait pour la scène, parce que c'est facile d'être devant 4000 personnes totalement bourrées, que tu peux dire n'importe quoi, les gens c'est ça, exactement, alors que quand t'as 5 personnes, si t'arrives à les faire sauter, ouais, c'est un autre délire. Merci JD pour l'imitation. Là on revient d'une tournée en Algérie, exactement, première date on a fait dans un hôtel à Tlemcen, c'est une ville bien perdu dans l'Algérie. On s'est retrouvé dans une petite salle d'hôtel. On va être content, les gens de Tlemcen, tiens. Non, c'est pas perdu, c'est un peu conservateur, c'est ouais. tout. Ouais, on s'est retrouvé dans une petite salle d'hôtel avec pas trop de gens, pas mal d'adultes, même des familles, quoi. Des profs de français. Donc c'est toujours, c'est toujours un exercice, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et ça a bien fonctionné, les gens ils étaient chauds, ils étaient réceptifs, ouais. On les a fait sauter, on les a fait bouger de gauche à droite, tout quoi. Il y a beaucoup de travail, vous travaillez beaucoup la scène justement, beaucoup de répètes, il y a beaucoup de mise en scène, de choses sur lesquelles vous bossez. Les lumières, le son, un peu de mise en scène, on laisse de la part au hasard, tout n'est pas millimétré, mais c'est vrai qu'il y a des tops, comme on dit, tu sais, des moments où... Ben, ne serait-ce que le moment où la lumière s'éteint à la fin d'un morceau, ou le moment où il y a des mises en lumière sur des arrêts, sur des choses comme ça. Moi, j'ai le souvenir de cet match où Franco, MTP Bopelula, là, devant tout le monde, là. Ouais, c'était quelque chose, ça. Ça, c'était quelque chose. Il y a un an ou deux ans, je crois. Il faisait très chaud. Trois ans même, je crois. Ouais. Il y a surtout Akeda aussi qui roule avec nous sur la scène. Qui est derrière aussi, qui est là toute la semaine. Qu'on n'a pas salué ce soir, c'est vrai. Notre super DJ. Et qui est toujours super très bon DJ. À chaque fois. D'ailleurs, on aura la preuve dans quelques minutes. Il y aura le live dans Planète Rap. Et tiens, puisqu'on parlait des dates de concert ce week-end, donc c'est samedi et dimanche. Vous êtes à Polémieux au Mont d'Or, au Festival des Monts d'Or. Le 3 juillet aux Eurocaines de Belfort. Il y aura le 25 juillet à Ribérac au Festival Le Grand Souk. Le 22 août à Marseille au Positif Festival. Et puis le 3 octobre, la Cigale de Paris aussi. Prenez les places parce qu'à mon avis, ça va aller très vite, hein. Ouais. Ça va aller vite et puis il y aura plein de surprises, des invités, des morceaux inédits. Ça sera un concert événement et exclusif, quoi. On va faire gagner des places ce soir d'ailleurs. Ah, ce soir? Ouais. Dans cette soirée cosy? Dans cette soirée cosy, 5 fois 2 places. Et ben, on pose des questions, on fait quoi? Non, c'est hashtag Golden Cosy. C'est le pack Cosy d'or. Donc Golden Cosy. Faut prendre une petite photo avec un M comme ça, un petit MTP. Ah, c'est le truc que j'ai fait comme ça, non? Voilà, exactement. Les 3 derniers doigts, mais ceux qui savent. Jamais réussi, moi, les doigts, c'est toujours compliqué. Ben voilà, c'est exactement ça. Très bien, ça. C'est ce truc-là, là? Voilà. Ouais. Toujours l'air d'un con quand je fais ça en résumé. Ben non, c'est pas. Mais non. Je te jure, j'ai un problème avec les. Ben non, c'est bang bang. Et du coup, c'est bang bang. Faut faire un M avec les mains. Après, tu peux faire comme tu veux. Comme tu veux. Invente un truc, mais démerde-toi. Tu nous, du coup, arrobas cet match MTP, bien sûr, bien évidemment. Hashtag Golden Cozy. Et il y aura un t-shirt Tiller, l'album offert et 2 places pour la Cigale. Pour la Cigale le 3 octobre prochain, à pas louper cet match. Bon, envoyez ça dès maintenant, on peut y aller. Ah oui, carrément, ça on donnera les gagnants demain soir. Donc c'est jusqu'à demain. Petite photo avec le M. C'est ça. Le hashtag Golden Cozy. Golden Cozy, c'est bien ça. Et puis vous repartirez peut-être avec des places pour le 3 octobre à la Cigale. Quel morceau mettons, messieurs? C'est On dirait le Sud. On dirait le Sud. Ouais. Et ouais. Et d'ailleurs, on a annoncé le clip ce soir, sauf qu'on a un petit souci de Vevo, de YouTube, qui n'arrive pas qu'à nous. Clip n'est pas encore en ligne, les amis. On est désolé, mais ça ne serait tardé. Alors ce soir ou demain. Voilà. Un classique de Vevo. Merci beaucoup. Tout se passe aux States, en fait. C'est un problème de surécoute, ça. Grosse hate. C'est un problème de. Je sais pas. C'est fatigant. Bon, en tout cas, il va arriver. Donc, faut guetter. Il va arriver. Voilà. Désolé si c'est pas ce soir, mais en tout cas, ça sera demain. Demain pour sûr, en tout cas. Envoyez des tweets à Vevo. Relâchez le clip de cet match. Exactement. Et là, on écoute déjà le morceau. Exactement. Maintenant sur ce qui est rock, c'est le match. C'est extrait de l'album Cosy Bang Bang. farniente lunette. Ma vie c'est cruel. Ici le temps est suspendu, même l'hiver est attendu. On dirait le sud, rien d'autre que demander de plus. Je l'ai dans le sang, cette ville m'obsède. On fait tout pour esquiver le sud. Le soleil éclaire nos visages, quelques bangers dans le sillage. Facile de se laisser distraire. Cette bitch m'a fait louper le virage. On reste jeune, ici c'est dur de s'élancer. Le sable est chaud, je ne sais sur quel pied danser. Chile c'est sacré, ne viens pas nous déranger. Je reste assis devant ton boule, ton déhanché. On vit d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Tu ne voudras plus repartir, ça on savait. En peu de temps, tu te retrouves condamné. Un peu d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Moi, pas de sévices, je vis, je rêve, je l'évite. On sévit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre. On se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Matin, le séduit. Je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre. On se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Je viens de là où les gens prennent le temps et savent se détendre. Enchaîne à haute fréquence, cocktail et savoureux mélange. Ici on compte pas nos heures, on compte juste nos dépenses. Suffit de quelques jours pour succomber à ces formes alléchantes. Je suis perdu entre le futur et le carpe diem. Je bois jamais du noir, je pense sur moi, je vois la vie en café crème. Je reste resté gros qu'aime les lolo, les boules assez fermes. C'est mon sud, ouais, je crois que rien ne changera, ça c'est clair. On vit d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Tu ne voudras plus repartir, ça on savait. En peu de temps, tu te retrouves condamné. Un peu d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Matin, le sudiste, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre. On se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Matin, le sudiste, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre. On se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Allez. Allez, allez, viens, viens dans mon sud. Allez, viens, je te paye un voyage pour mon idylle. Oublie Paname, ton canapé c'est tes mimiques. Viens, viens boire un coup dehors, peut-être d'autres en plus. S'il le faut jusqu'alors, on est de vrais noctambules. Chacun son truc, chacun son sud. Ouais, les calanques de la Corse jusqu'au sud. Ouest, on est les enfants du soleil, train de vie en dilettante. Ici c'est les vacances toute l'année, vous m'en direz tant. Sexe de bière d'eau salée. Tu ne voudras plus repartir, ça on savait. En peu de temps, tu te retrouves condamné. Un peu d'amour, de sexe, de bière d'eau salée. Matin, le sudiste, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Matin, le séduit, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Gagner des brunettes, ma vie est plus belle. J'vis dans le grand sud, vie qui m'attend plus. Farniente et lunettes, ma vie c'est cruel. Ici le temps est suspendu, même l'hiver est attendu. C'était Match. L'album s'appelle Cozy Bang Bang à l'instant. Et donc ce morceau qui dont le clip arrive. Hein. Ouais. Le clip arrive, un clip qui a été tourné en Norvège. C'est ça, ouais. Et qui va parfaitement donc pour illustrer les images du sud de ce morceau. Exactement, tu sais tout. Voilà, je sais tout. Donc mais sauf l'arrivée du clip. Ça, je voudrais même pas en parler en fait. Tellement ça stress. Ça arrive. C'est une question d'heure. Ouais, et puis ouais, en attendant, c'est bien, les gens peuvent se plonger sur le morceau. Exactement. Écouter le morceau déjà. C'est justement le petit quart d'heure du sud, justement. Voilà, le petit quart d'heure de retard, voilà, du clip. Petit quart de... Ouais, c'est un gros quart d'heure. J'essaie de justifier comme je peux. Hein. Bien vu, c'est vrai que c'est ça mal, en fait. La c'est parenthèse Montpellier-Rennes. Voilà. Sur Skyrock, entre 20h et 21h, on est ce soir, évidemment, comme tous les soirs, avec 7 et Match et l'album qui s'appelle Cozy Bang Bang, une soirée tranquille, une soirée cozy. Une soirée détente. Bah, comme le morceau qu'on écoutait à l'instant. Exactement. Qui traduit un petit peu l'état d'esprit du groupe. C'est vrai que c'est Montpellier, c'est la ville où vous habitez. Est-ce qu'il y a une autre ville où vous pourriez habiter, genre Paris, Lyon, par exemple? Lyon, Bordeaux. Toulouse. Ah ouais, mais pas du tout, moi. Non? Non. C'est vraiment Montréal, je pense, ce serait bien. Mais Montpellier, non, mais Montpellier, ouais, c'est. En France. Ah, en France. Toulouse, en vrai, c'est. Ah, Toulouse, c'est vrai que c'est. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas un plaisir à Big Flo. Nous y sommes. Toulouse, la plus belle ville de France, hein, je viens de dire. Deuxième plus belle ville de France. De quoi parles-tu? Montpellier, en fait, c'est un peu comme un Toulouse à moins bien, quoi. Hey, mais c'est pas mal. C'est pas mal après, mais bon. Ou Toulouse, c'est comme un Montpellier, mais on fait ça, c'est ça? Oh, my man. Oh, je sens sur la partie freestyle, ouais, c'est ça, on va y aller. C'est la même chose. On va attaquer. Et on est tous frères, les gars. C'est le gars qui flippe après avoir clashé. Eh, les gars, on rigole, pas vrai, on est tous frères. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse parce que, en vrai, ce soir, c'est soirée cosy. Et il y a vraiment, en vrai, pas beaucoup de monde de Montpellier, en fait. Il y a Marc, Claire, Zoubida, il y a Titan, Mamen. C'est des gens qui sont de Montpellier et qui vivent à Paris maintenant, les traîtres d'ailleurs. Parenthèse. Ils ont oublié leur ville. Et il y a aussi un artiste que je voulais mettre en avant là et présenter, c'est Casilambiste. Voilà, un mec de Montpellier. Très très chaud. Si on peut lui filer un mahaï. Bah voilà, regarde. Allez. Alors présente-nous. Bah c'est Casilambiste, voilà, c'est un chanteur de Montpellier et il a une petite actu à faire passer, donc on t'écoute, Frangin m'amène. Ça va tout. Ouais, c'est Casilambiste, je vais juste passer une petite actu, du coup on sort un nouveau son. Lundi et on fait une soirée au Nouba pour la release party au Nouba, le mardi le 30. Et c'est très chaud, il y a des bails avec des Inroclubs, tout ça, je crois que t'as gagné. Ouais, on est en finale des Inroclubs, donc ça se passe au Trianon le 19 septembre. Auteur, compositeur, il fait ses propres. Et alors où est-ce qu'on peut écouter des sons pour l'instant? On peut partout sur YouTube. Comment t'écris Casilambiste? Sur SoundCloud, tout ça. C'est K-A-Z-Y. Yes. Espace L-A-M-B-I-S-T. Yes. Ah, il ouvre tout donné. Bien. Soutien. Ouais, bah merci, c'était Match. C'est cool. Bah, pas de soucis, Frangin. C'est quoi la date, René? Le 30 juin. 30 juin, Nouba. Nouba, c'est à Paris? Ouais, c'est à Paris. C'est à Paris, okay. Magnifique. Ah, tu l'as cité de la mode, ouais. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi je ne sors plus. On m'a dit que c'était. Allez-y, en plus c'est bien, il y a une terrasse. Ah ouais, je connais pas. Ah là, c'est ambiance cosy, hein. Ok, ben voilà. Cosy, bang, et après à 4h du mat, c'est bang bang, mais il y a une première partie qui est cosy. Le Planet Rap avec cet match, qu'est-ce qu'on met comme morceau dans un instant, messieurs? Alors le deuxième, juste avant je les aime. Je les aime. Je les aime. C'est un morceau qui parle des femmes en général. En général. Et qui dit qu'on les aime toutes. Ça va loin quand même, des fois ça va loin. Des fois on les aime mortes, mais je parle juste. En fait, on parle des. What? Il faut quand même rappeler qu'il a de la fièvre, il est pas bien. Il a un problème. Explique-nous. Les femmes, on les aime mortes. Ah, il y a un fond à tout ça. Ou alors derrière les fourneaux. Allez. Mais non, il y a un fond à tout ça. C'est, je parle voilà, des dames d'ancien temps. Voilà, qui restent. Marilyn Mack, Kémito, voilà. Celui-là. Le gars, il a écrit le dimanche soir, je me lève en scred et lui, Non, mais voilà. Je comprends. Sale. Je vois que tu es pas bien. Je vois que ce soir, là, je suis au fond du trou. Je vois que ce soir, de la fièvre. Alors, en évitant dans un instant le prochain dérapage, ne bougez pas. Je les aime mortes, c'est le nom du morceau qu'on écoutera dans quelques minutes. Ne bougez pas, c'est un extrait de l'album de 7 et Match. On revient, bougez pas juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit 7 et Match pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, 7 et Match. C'était Match avec nous entre 20 et 21. L'album de C'était Match est dans les bacs. Il s'appelle Cozy Bang Bang. Et dans un instant, on retrouvera live aussi avec les Big Flo et Oli. C'est bien qui ça. Sont là en renfort ce soir. Yeah. Ah. Et qui vont faire un remix inédit d'ailleurs d'un morceau à nous qui s'appelle Sunset. Exactement. De toute façon, quand on vient à Skyrock, on lâche toujours de l'inédit. C'est vrai. C'est quoi? On a écrit, enfin on l'a fini il y a une heure quoi. Allez voilà, ça c'est le petit. C'est total exclu, ça sort. C'est pour ça que ça. En fait, je dis ça pour justifier si jamais je bafouille ou quoi, tu vois. Il y a pas longtemps, tu vois, mais voilà. Ne t'inquiète pas. Voilà. Mon petit remix. Don't worry, my man. Est-ce qu'on peut avoir le droit à notre petit bruit habituel ou pas? Allez, ça part de là. Attention, attention. Pop champagne. C'est parti pour la soirée cosy et le bang bang arrive. On écoute le morceau, c'est parti. Ouais, c'est bien. Je les aime. Je les aime maintenant. Vivante et bien en forme et posée. Laisse glisser, frère, laisse glisser. Je les aime. Merci. Ça part de là. Je les trouve exceptionnels. Je les aime avec ou sans forme. Jeune cougar avec ou sans môme. Quand elle bouge bien. Je les aime quand elle bouge bien. Sûr d'elle sexy. Quand elle sache ce qu'elle veut, quand elle persiste. Je les aime toutes. J'y peux rien, je te promets, je me contrôle pas. Je les aime car elles ont les mêmes doutes. J'aime surtout celle qui me consolera. Je les aime toutes seules. Jalouse, pleine de coups de gueule. Je les aime chaud d'allumeuse. Qui peut te faire perdre la tête en moins d'une heure. Je les aime toutes pour les mêmes raisons. J'en m'amoureux chaque semaine. J'aimerais toutes les avoir à la maison. Je les aime toutes pour les mêmes raisons. Je tombe amoureux chaque semaine. J'aimerais toutes les avoir à la maison. Les blondes, les brunes, les grosses, les grandes, les noires, les blanches, les bonnes, les moches, les meufs, je les aime toutes. Les mortes, les vieilles, les jeunes, les chaudes, les froides, les femmes, les mères, les filles, je les aime toutes. C'est personnel, je les trouve exceptionnels. Je les aime avec ou sans forme. Jeune cougar avec ou sans môme. Je les aime surtout quand elles m'aiment. Je les aime aussi quand elles s'aiment. Salope sans charme, je les aime tout de même. Je les aime même si trop de chiens tournent autour d'elles. Je les aime toutes douces, toutes nues, toutes froissées. Toutes rousses, toutes grandes, toutes tassées. Je les aime et je les invite toutes. Les vierges, les nonnes, toutes ces saintes y touchent. Je les aime quand elles n'ont pas de passion, pas de talent. Je l'aime quand elle galoche ou quand elle garde sa langue. Je les aime, c'est pas ma faute, je les aime toutes. En pleine course ou pleine boue, avec juste un petit air bourge. On m'a dit d'arrêter de penser. Je vous aime quand vous êtes filles. Je veux juste vous voir danser. Je vous drague, je vous caresse, je vous respire. Je suis amoureux des dames. Je suis celle qui joue de leur charme. Je savent toutes les femmes. Puis ceux qui adorent les armes. Je les aime, je les adore. Déshabillés, c'est mon style. Je les aime, je les adore. Éparpillés dans mon lit. Libérés. Je donne de l'amour comme à Woodstock. Essayez-les. De toutes sortes, peu importe, je m'en fous qui elle est. Sensuel comme un zouk, l'envie j'ai péché. Toutes les filles ont un goût de bord. Les blondes, les brunes, les grosses, les grandes, les noires, les blanches, les bonnes, les moches, les meufs, je les aime toutes. Les mortes, les vieilles, les jeunes, les chaudes, les froides, les femmes, les mères, les filles, je les aime toutes. C'est personnel, je les trouve exceptionnels. Je les aime avec ou sans forme, jeune cougar avec ou sans forme. C'est personnel, je les trouve exceptionnels. Je les aime avec ou sans forme, jeune cougar avec ou sans forme. C'est personnel, je les trouve exceptionnels. Je les aime avec ou sans forme, jeune cougar avec ou sans forme. Yeah. C'était Match à l'instant, je les aime. C'est un extrait de l'album Cozy Bang Bang qui est dans les bacs depuis la semaine dernière. À découvrir aussi encore cette semaine sur Skyrock. Allez l'attraper très très vite. Allez-y, courez. C'est pas cher. C'est une prod de Phase d'ailleurs. Big celui up à Phase. Tout s'achète aussi, celui qui a produit tout ça. Morceau qui a été enregistré où celui-ci? Tiens, j'ai vraiment que j'ai pas demandé sur les morceaux. Montpellier. Montpellier. Chez WAM. C'est vrai, c'est chez toi. Il y a Phase qui est descendu de Lyon. De Lyon. Il y avait Detroit au début sur le morceau. Après on a turn up avec Phase qui est redescendu sur Montpellier, donc même encore très compliqué ce morceau. Ah oui, c'était compliqué celui-ci. Il fait partie des morceaux les plus compliqués à enregistrer pour cet pas album. Pas enregistré, mais le choix de la prod, tu vois, des fois, mais on se prend beaucoup la tête. Bon, dans quelques minutes, il y a le freestyle, ça arrive. Et juste avant, il y a le freestyle par téléphone pour repartir avec votre tablette Samsung Galaxy Tab à l'occasion de la sortie du film Poltergeist qui est sorti hier, et on est avec Xerta, c'est ça, de Marseille? Caserta, pardon. Eh ben, raison le sud, hein. Ouais. On a pas mal voyagé dans le sud, là. Oh putain, tu es pas. Le soleil, la chaleur, ça va, tranquille. Ah, tranquille. Marseille. Tranquille. Tu régales. Bon, comment ça se passe à l'OM, Caserta, en ce moment? Bien, non? Ouais, c'est la fin, hein. Il y a des soldes en ce moment aussi à l'OM. Ça y est, c'est fini. Mais arrête, on sait pas. Écoute, bonne chance en tout cas à nos amis marseillais. J'en place une notamment pour Jamal, à qui je pense très fort. Et j'attends vivement la saison prochaine. Caserta, on va t'écouter rapper. Vas-y, bah, bientôt. Écoutez, ouais. C'est vas-y, parti. Envoie ça, ma mère. Allez, envoie ça, c'est parti, coup d'envoi. Ok. Caserta, j'ai mon rendement à la famille. Parfait. Bon. 2015, ça fait. J'arrête pas de penser à toi, et pourtant je fais tout pour. J'ai besoin de t'avoir près de moi, tu es parti, c'est si lourd. Mes erreurs, je les reconnais, je t'ai demandé de me pardonner. Mes amis, tu les connais, à cause de toi, je les ai zappés. Au début, rappelle-toi, ta situation était tendue. Et ouais, j'ai tout pris sur moi, à l'arrivée, je l'ai dans le cul. Alors je me dis que tant que, j'évitais tous les plans cul. Cet amour qui me manquait, ces jours-ci, je l'ai perdu. Et ouais, je te le dis, je suis déçu, je ressens comme une blessure. Je me sens pas bien cette temps-ci, j'ai sur mon cœur une fissure. Non, mais c'est pas la fissure, t'es même pas une fille mûre. Alors j'emploie des termes durs, je te coupe ton besoin d'air pur. Je te dis pas ça pour te faire peur, mais dans mon cœur, c'est la guerre. Depuis que j'ai perdu mon âme sœur, dans ma tête, c'est la merde. J'avais trouvé le bonheur, j'ai fini par le perdre. On m'a dit de chercher l'erreur, j'ai accepté de la perdre. Dans ma tête, c'est la tourmente. Je t'aimais, c'est pour ça que je le chante. J'ai fait une croix sur cette vie, je te veux même plus comme ami. Dans ma tête, c'est la tourmente. Je t'aimais, c'est pour ça que je le chante. J'ai fait une croix sur cette vie, je te veux même plus comme ami. Yes, Caserta à l'instant, wouh, freestyle du côté de Marseille. Merci à toi. C'est la misère, même pour téléphone comme ça. Ah, c'est bon, galère. Je sais, c'est compliqué par téléphone. Mais c'était bien en tout cas, Caserta. J'espère qu'elle a entendu ton message. Moi aussi, j'ai une. Moi aussi. On peut te retrouver. Ouais, tu l'entendre là. Ah bah, j'espère. On peut te retrouver sur le net quelque part. Tu veux balancer des infos? Écoutez, sur Facebook. Par contre, sur Facebook, c'est Luciano Loco. Donc Luciano, Luciano Loco. Loco. Et sur YouTube, mais bon, c'est vraiment jamais enregistré en studio de ma vie. Donc voilà, y a rien. Ben go, maman, go, vas-y, go. Et bah, bon courage à toi. Et puis tu repars donc avec la tablette Samsung Galaxy Tab à l'occasion de la sortie du film Poltergeist. C'est pour toi. Allez, c'est gentil. Merci à vous. Et big up à l'équipe qui est là ce soir. Et bon, toi, très belle soirée, merci à toi en tout cas, Caserta. Est-ce que vous êtes prêt maintenant pour le freestyle dans le studio? Je relance juste vite fait le Golden Cozy. Ah, Golden voilà. Cozy, et le hashtag Golden Cozy. Ouais. Voilà, pour demain, donc un t-shirt healer, la place pour le 3 octobre à la Cigale et l'album. Voilà, donc c'est simple, faut prendre. Ouais, c'est un bon pack. C'est un bon pack. C'est un donc, pack hashtag magnifique. Golden Cozy, voilà. @7ematch. MTP. Il faut faire une photo avec le M, le MTP, avec les doigts, les fameux trois doigts voilà. Derniers qui sont vers le bas. Et qu'on a mis d'ailleurs sur notre tuteur, s'il y en a, ouais, si, voilà, comment si... ça se passe. Voilà. Et voilà. Donc, petit tuto, quoi, du petit tuto. Écoute, c'était très bien en tout cas. Yeah, c'est pas cool, de dérapage, moi. Pas rien. Non, non, ça va, ça va. Pas de. Non, non, c'est bon. On est prêt pour le live, c'est parti. Allez, c'est parti. Big Flo, ils sont là aussi. Y'a ma mère. Coup d'envoi. Toulouse, Montpellier. La cour des grands, Cozy, bang, bang. Allez choper le pack, les gars, le sud en force. Les deux d'un coup. Pour mes jeunes connaisseurs, pour l'héritage, pour tous ces gens qui rappent, pour ces nouveaux visages à l'avenir prometteur. On vit dans le bordel, vie d'artiste prolétaire, trop d'éther, je suis accro depuis mon premier verre. Diabolo Mantes, Padri, ici le soleil cogne. On fait du rap surtout pour l'ego, un peu pour les potes. Belle époque, viens danser, on vient de jumper les codes. Éteins donc ta télé, mets les voiles et viens tremper les côtes. Hein, on vend des tiges pour la cagnotte, pour payer le studio, la bouffe pour avancer, pour mettre l'essence dans la bagnole. Yé, loin des embrouilles, des carottes. Je vais faire du sang à la plage, vivre à la plage, racheter la tour de la babotte. 9 mon négro, on roule toujours en solo. Yeah, c'était Gip sur le polo. Vas-y, follow. Quoi de neuf mon négro, on roule toujours en solo. Yeah, c'était Gip sur le polo. Vas-y, follow. Quoi de neuf, mon négro? Hey. Quoi de neuf, mon négro? Cozy bang bang depuis le 15 juin, ma man. Quoi de neuf, mon négro? Yeah. Quoi de neuf, mon négro? Quoi de neuf, mon négro? Voilà le nouveau phénomène. Je roule en vélo, lunettes pour cacher nos cernes. J'taffe mes mélos, jeune négro éloquent. Bon son, bon flow, il est temps de mettre à laisser nos plans. Yeah, j'vous aime et j'garde mes distances. C'est la course pour l'intermittence. Mon on est cash. On fout le bordel sur scène, on éclate, on éclate. À foutre le feu pendant que les fans font les bacs. On a rien lâché, on produit sans arrêt. On fait ce qu'il faut pour faire pleuvoir l'oseille toute l'année. Vente illégale des terres, on fait nos bio black. On célèbre nos victoires autour d'un mojito. J'ai mes propres manières, mes propres méthodes. Niveau scolaire, oui, j'ai appris, mais sur les bancs d'école. Métisse le cul entre deux chaises, comme vous différents. J'évite les lois, je dis vague, je m'en fous de ce qui dérange. Hey yo! Travail régulé, genre sinusoïde. Des hauts et des bas, des bons et des mauvais départs. J'suis le fils prodigue, si tu cogites, j'vais braver les étapes, dépasser, déborder des cadres. Oh, neto vagabundo. Passa vida na rua que vê o mundo. Oh, sou vagabundo. Eu vou ver a luz fora do fogo. Quoi de neuf, mon négo? On roule toujours en solo. Yeah, cette équipe sur le polo. Vas-y, vas-y, follow. Follow. Quoi de neuf, mon négo? On roule toujours en solo. Yeah, cette équipe sur le polo. Vas-y, vas-y, follow. Follow, follow. Quoi de neuf, mon négo? Shout out à ma man, dit Twizzler. Le koala m'amène. Cozy bang bang. Quoi de neuf mon négro? Big flow m'amène. Cozy bang bang. Quoi de neuf mon négro? Quoi de neuf? On voit ça. Planète rap, ça vaut quoi? Quand je dis quoi de neuf, faites un max de bordel. Quoi de neuf? Ouais. Quoi de neuf? Ouais. Quand je dis quoi de neuf, faites un max de bordel. Quoi de neuf? Ouais. Quoi de neuf? Ouais. Quand je dis quoi de neuf, faites un max de bordel. Quoi de neuf? Ouais. Quoi de neuf? Et quand je dis quoi de neuf, faites un max de bordel. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah, du bruit. On est pareil, shout out à ma man Stu. Yeah. Cozy, cozy. Tu peux augmenter la prod dans mes... Bang, bang. Yeah. Oh. Yeah. Encore la voix enrouée, alors qu'on m'attend de pied ferme. Oui, c'est mon passe-temps joué de mon talent. Veuillez me laisser faire mes paupières enfin soulevées. Je n'ai pas oublié mes défaites. Je suis de ceux qui s'y sont voués, personne n'était prêt. Je deviens arrogant, je deviens assidu. La rage au vent de regard malicieux. Je prends la vitesse, je veux la vie de rêve comme dans les fascicules. La belle vie pour un gars pas si vieux. Je viens à volant, je prends de l'attitude. Enfin au volant c'était fastidieux. Je fais du business et le vice, même je combats ma lassitude. On m'enlève ma d'escalier et ta poire est tard. Sinon ta poire disparaît, ouais c'est bien ça spectacle. Travaille comme un âne et t'augmenteras les stats. Moi je dis cette année, on explosera les charts. Fini le freestyle, les nuages disparaissent. Une nouvelle histoire s'écrit, je résiste, dessine une nouvelle vie balèze. Pour garder la distance, on met l'orgueil et délicatesse. Fini la grisaille, pas peur de choquer. Tant pis, je tomberai pour délit de faciès. Je sors la tête de l'eau. Plus le temps de se détendre. Je me lance, je mélange toutes ces doses pour de nouvelles expériences. J'ai pas changé de décor, yeah. J'ai juste pris de l'étoffe, hein. J'ai mis l'alliance promis, promis. Bientôt je sortirai mon premier best-of, hein. J'ai la liberté, la vitesse d'un cavalier. Que des frères, pas de boss, pas de salarié. Je charbonne tous les jours, mais j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. C'est vrai qu'on est paré. Qu'on a mis du temps pour devenir responsable. Qu'on a vécu, qu'on s'est marré. Mais là j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on se parle. Sérieux, faut gérer les moments périlleux. Ras-le-bol d'être layback. Faut que je passe du fond du bus à la place conducteur de la Maybach. C'est vrai que ça a changé tout comme nous. Déjà pris dans l'engrenage, on donne tout. Et j'emmerde toutes vos messes basses. On est beaucoup trop lents pour que je leur laisse place. Ici on se débrouille tout comme vous. précisant nos morceaux pour les rendre fous. Fusil à lunettes, prêt à faire face. Comptez sur moi, je vais pas me gêner pour occuper l'espace. Les impôts, les loyers, savoir régler tous ces problèmes sans aboyer. Les bons, les mauvais choix, les bons, les faux départs, ont tous fait de moi l'homme que vous voyez. Ouais, je veux juste rendre fier la mama, en faire pareil pour le padre. Je suis plus de ceux qui déçoivent. Hey, vous verrez qu'on est pareil. Ma man, cozy bang bang. Right, soirée cozy bro. Tous les morceaux sont extraits de l'album, sorti plus le 15 juin bro. Yeah, cozy bang bang. Chope ça. Je n'ai pas large d'épaule, toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde, mère. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes. On se croyait vraiment différent des autres. On voulait nos gueules sur des posters. Faire du buzz, du pic, faire des concerts. Zéro patience, on voulait tout tout de suite. Devenir fort, battre des records, sortir indemne de toutes ces courses poursuites. On avait notre logo, notre totem. Une seule équipe unie dans les vices, dans les problèmes. On se disait c'est maintenant. Ouais ouais. On détestait l'hiver, on voulait vite revoir le printemps. On ne voulait pas mûrir, mais on voulait de grandes ailes pour survoler les grandes villes et respirer le grand air. On voulait séduire la plus belle en faisant des trucs débiles. Fierté juvénile, on parlait fort pour être sûr d'être libre. Joint sur joint, on fumait trop, c'est sûr. On buvait trop, c'est sûr. On aimait le pastis parce que l'eau, c'est pur. On voulait que le futur soit doré. Une chérie, une princesse adorée. Et on savait toujours comment s'en sortir. Avec des idées, des filous ou des techniques élaborées. On était jeunes et pas large d'épaule. Toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde, merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais peu soucieux des codes. On se croyait vraiment différent des autres. On voulait nos gueules sur des posters. Faire du buzz, du bif, faire des concerts. J'étais jeune et naïf, l'énergie palpable. Bail de forêt, de cabane, les récrés et les cartables. On passait nos vies dehors, nous et nos délires de gosse. Paradoxe, on était sans pitié dans le partage. Jeune et inconscient de ceux qui n'ont jamais douté. Dis-toi que j'ai tout fait, cap ou pas cap. J'avais du courage, voulais le prouver. Je courais jusqu'à m'essouffler, fallait pas qu'on nous attrape. Et qu'est-ce que j'ai couru derrière la balle devant la maman. Avec mon frère pris au dépourvu. J'aime tous nos bons moments et les coups durs. Elle face à deux enfants qui ne l'écoutent plus. Je n'ai pas large d'épaule, juste un gamin qui s'en bat la race des codes. J'en ai pas large à l'époque et j'esquivais quand la maman donnait des ordres. On se pensait jeune et solide. Difficile à broyer. Je partais au quart de tour. Je faisais le con, je les emmerde et je parlais pour rien. Je m'en tapais que les profs me corrigent. Je respectais que les règles du foyer. C'est ma jeunesse, ouais c'est d'où je viens. On braillait fort mais on était de ceux qui écoutent rien. Toujours dans le coin mais perdu comme les clés de l'appart. Jeune pirate se préparait pour mener la barque. Toujours en équipe, jamais tout seul. C'est plus on est, plus on rit, plus on fout l'sbeul. Les pieds sur terre, on avait la tête dans les nuages. On s'en foutait de ceux qui pouvaient nous attendre. Les 400 coups, les filles, les coups de gueule. Suffisait qu'on ferme les yeux pour être dans nos bunkers. Yeah. Hey yo, my man. Cozy bang bang. Dans les bacs. On va choper ça sur iTunes. Hey yo. Planète rap, ça va ou quoi? Toujours ou pas? Non, non, non, non, j'entends rien, ça va ou quoi? Ouais, c'est ça qui est bon. On était jeunes et pas large d'épaule. Non. Toujours en bande pour supporter l'école. Ouais. On voulait refaire le monde, merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. Respectueux mais pas soucieux des codes. Peu, ouais. On se croyait vraiment différents des autres. Ouais. On voulait nos gueules sur des posters. Faire du buzz, du beat, faire des concerts. Hey yo. Et ils en ont fait des concerts, ces bâtards. Ouais ma man, yeah. Cozy bang bang. Bon, je pense qu'il est temps de passer à ce fameux remix inédit. C'est parti, c'est inédit. Yeah, c'est de l'exclu. C'est le sud, man. C'est le sud, Toulouse, MTP, la cour des grands, Cozy Bang Bang, on ensemble, bro. Gros big up à tous mes Toulousains. Right, Elsa. Yeah. On n'oublie pas les gens du Nord quand même, on vous aime bien, les gars. On vous aime bien, c'est vrai. On vous aime bien, vite fait. La cour des grands dans les bacs, Cozy Bang Bang dans les bacs, allez choper tout ça. Chope ça. C'est moins cher qu'une pizza à chaque fois, les gars. Sans déconner. Yeah, yeah. Big for Oli, c'était match. Barbecue, je vends de l'est. Canicule, piscine, altitude. Le chill est un genre de sieste. Je connais pas, je te parle pas de thèse. J'aurais peur de me perdre. Je rappe le soleil, je suis focus, ne change pas de terme. Pour être peinard, j'éteins le téléphone. Peu de taf, pas d'oseille. Pour clip, bébé, on squat chez les potes. Je fais danser ta meuf, c'est pour ça que t'es vénère. C'était match, un bap, tout de tiers. Black et des terres. Toujours la même devant le barbecue. Tout le monde s'agite. Silence, on se lèche les babines. Quand on mange, on s'applique. Rassasié, on finit tous au tapis. Chaise longue, digestion sous le soleil, tout le monde abdique. Tranquille, derrière mes rébans, je mate. Le boule des copines, j'en profite, en personne ne me capte. Je fais que des sons de basse, ici le sud, on parle fort, mais on. Laissez-nous au calme. Laissez. Laissez-nous chiller. Laissez-nous chiller. Juste un bout de plage. J'ai besoin de s'exiler. Loin. Laissez-nous au calme. Laissez-nous chiller. Big Flo, Oli, c'était mal. Une fois qu'on a l'occasion, yeah. On va pas la laisser filer. Yeah. Hey yo, j'suis calé dans des lolos. J'fais que me gaver d'air pur. J'ai pas retrouvé mon mojo. Vu que je l'ai jamais perdu. Négro et je chill. La flemme au bout du fil. En train de converser et de vanner sur le bout du fil. J'ai le goût du filtre. Je smoke et passe tout mon temps à mater des as. Négro, c'est la life des CTM à TCH. Et c'est dans cet état que je respire. Un peu ivre de vivre. Je livre des textes. Soit j'aime lâcher des phases. Tu nous connais. C'est cool, mais honnêtement, si tu chill avec nous, faut pas que t'aies peur de sonner. Je disparais petit à petit. Comme un glaçon dans un whisky sèche. Mon esprit apaisé par l'odeur de la whisky sèche. Je ne me lève pas, ne réponds pas au tel. Nourriture et boisson comprises comme quand je pense à l'hôtel. Une taille de soda fraîche, l'arbre au goulot janquille. C'est comme ça que je transforme mes heures de boulot en chill. Laissez-nous au calme. Laissez-nous chiller. Vous entendez pas dans ce cadre. Juste un bout de plage. J'ai besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Oli, ma mère. Pour une fois qu'on a l'occasion. Ça fait. Hey yo, le soleil tape fort, comme la basse dans mon casque. Le manque de sommeil m'assomme, ça résonne dans mon crâne. Pas de vacances quand on rappe, on en rêve en bas de la pyramide. Tant pis, promis les gars, l'année prochaine on sera amis. Amis, on attend de rire, on gratte des piscines. On des délires, des clips de 50, on est là pour le kiff. Le meilleur comme un pays en chill, on équipe de Toulouse MTP. Le sunset c'est dans la tête, je gratte un texte, j'y vais. Cette fois la chance, on va la prendre, je vais pas la laisser filer. Didi m'appelle pour Planet Rap, ok on se rejoint là-bas. Direction Sky, j'ai l'impression de traverser l'Alaska. Ils se battent pour des miettes. Yo vas-y ben qu'on s'arrache. La vie est un long fleuve tranquille. Mais ils construisent des barrages. Ils avaient dit t'as pas l'âge. J'avoue c'est dur, c'est pas grave. Ma feuille respire la vie. Je flippe, j'ai peur de tourner la page. La plage des portes en charge de décor. Loin des insultes, des haineux. Big Flo, Oli, c'était match. Toujours le sud le fait mieux. C'est avec les frères. Car on avait besoin d'air. Un pote ramène de l'air. Mais on n'a pas besoin d'elle. On n'a pas besoin d'aide. On traîne la flaine. Nous mène. Elle aime pas qu'on ait la tête pleine. J'oublie le taf et les choses qui me fatiguent. Moi j'éteins tout et je me pose. Vous savez pas si ramène moi ben que tu dis. Et fact, ils ont pas de rap, de rap et de fans et de famille. Je sais que j'ai pas chanté, mais je sais que t'aimes ça. Et si tu veux te joindre à nous, il reste une place. Je laisse mon téléphone, je réponds pas même s'il sonne. Bloqué pendant 3 heures devant des épisodes des Simpsons. Aujourd'hui, la vie me semble pas si difficile. On s'incruste à 50, j'ai le seul pote qui a une piscine. C'est vrai qu'on fait rien, mais au moins on s'applique. Et on se demande où est-ce qu'ils trouvent les meufs qu'il y a dans leur clip. Pendant 2 mois, on portera le même maillot et les mêmes fringues. On se posera et on écoutera Cozy Ben Ben. Laissez-nous chiller, laissez-nous un bout de plage. Juste un bout de plage. J'ai besoin de s'exiler. J'ai besoin de s'exiler. Laissez-nous au calme. Laissez-nous au calme. Laissez-nous chiller. Un peu comme Fred, je chill. On a l'occasion. On va pas la laisser filer. On va pas la laisser filer. J'suis calé sur mon trône, allongé sur mon transat, j'prends une pause. Non, c'est tout mon plan de quand va, je chill au bord de la piscine, dis-moi si je rêve. J'ai l'image magnifique d'une petite île, et c'est si elle pas de coups de blues, que des coups de soleil. Moment parfait, j'ai même pas ce que mon pouce se lève. La flemme a pris place, et compte squatter tout le semestre. Tu pisses, les gens se disent, il est cool ce mec. Flâne, c'est de l'art, là j'tiens le bon filon, faut que je bédave. Que j'boive un vœu d'ilon, S exact. Le chill rend la vie longue, tu es un fêtard. J'm'égare, j'ai des visions, elle s'échappe. La fumée de mes lèvres, elle s'échappe. Douce et si sévère, mais quel spectacle. J'ai perdu la notion du temps, coincé entre rêve et réalité, j'suis dans l'espace. L'espace, l'espace, l'espace, l'espace. J'pars en Espagne. Hey yo, du bruit pour Big Flo et Oli. Merci les gars. Je check. Merci beaucoup les mains. La famille check au loin. Faut soutenir, c'était Match. L'album est dans les bacs. Très chaud ce qu'ils nous ont fait les frangins. À l'instant en live, bravo, bravo à C'était Match, à Big Flo et Oli à l'instant. Big up, gros big up. C'est lourd, pour cette session live, encore une belle soirée. Yes. Soirée cosy, on soirée était bien. Cosy, en détente. De l'inédit. Avant d'attaquer en fait, Bang Bang récupérer demain. Récupérer un scratch. Ouais, c'est ça, en fait. Et demain, Bang Bang. Demain, Bang Bang. Demain, Bang Bang. Ouais. Demain, Bang ouais. Bang, ça va être une spéciale Tiller, en fait, demain. Donc voilà, ça va être Bang Bang. Voilà, ouais. On va rejouer tous les morceaux un peu Bang Bang de l'album. Bon alors un petit rock, je ne vais pas m'inviter tout loupé ça. Loupez pas demain, juste avant de se quitter, de retrouver Diffoul, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Salut Tom de Vert-le-Grand, ça va bien? Ouais, ouais, ouais. Eh bah bienvenue dans ce Planète Rap avec C'était Match, avec Big Flo Oli ce soir aussi. Et avec toi bah, Tom. Merci, Big Up, Big Flo, Big Up tout le monde, pas de lourd les gars. Aïe, merci, franchement lourd. Ça, les gars. Merci mec. Et Tom, est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? Le mec big up que Big Flo quoi. Ouais. Ah, je suis prêt. Que Big Flo. La petite coloc au calme bientôt. Ok. Top. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà Tom. C'est fait, le parc Astérix. 4 places pour le parc Astérix. Ça fait plaisir. Voilà. Falbala. Falbala. Big Flo et Olix que tu pourras retrouver. Oh, allez, pas, s'il vous plaît. Applaudissements. Ah oui, je sais pas ce que j'ai ce soir. Oh là là, elle est pas mal. Big Flo et Olix ce soir, là, je me sens en forme. Pas mal, pas mal. C'est déjà un classique. Eh ben, c'est pour toi. Tom, c'est le meilleur. C'est pour toi, lourd. On te souhaite. Big up, c'était mal. Big up, Big Flo et Oli. Ah, merci. Ah, là, on est sur Internet. Ouais. Choper les infos, bâtard. Merci à toi en tout cas, Tom. Passe une bonne soirée. Je peux faire un petit shout out à un gars qui arrête pas de tweeter depuis le début de la semaine. Vas-y. Vélo la crevette. Ah, je l'ai vu, ouais. Je sais que t'es amoureux, ma mène, mais franchement, viens me voir hein, si tu veux, on prendra des photos. C'est vrai qu'il y a un truc avec toi. Hein. Ah ouais, il est amoureux, totalement amoureux. Oh, il te regarde à l'heure du dîner, disait en face à face. Si t'es blonde et que t'as des gros bezels, ramène-toi, ma mène. Je pense que c'est. Ma mène. Et tiens, alors, c'est un de vos potes là qui a envoyé ce message aussi en temps de sunset sur Skyrock quand t'es au bord de ta piscine à MTP. Ouais, ça c'est lourd, ça c'est le feu, il a dit. Excellent. Il y en a qui sont bien à nous écouter. Imagine là en train de nous écouter au bord de la piscine. Ah, moi j'imagine très bien. C'est ouais, moi aussi. Oh, histoire de ma vie. Il y a Clemson, les gars. Clemson. Ah, oui, je voulais parler de Clemson. Ah, oui, c'est une grande ville, 150 000 personnes. Merci, c'est Momo. J'ai l'impression qu'il a envoyé un message. Il est venu me voir, Momo, il a pas kiffé. Mais parce que, mais il faut rappeler aussi que tu es un peu. Mais je me suis trompé en fait. Un peu chamboulé de. Tu as fait 1-0. Tu as 2-3 dérapages ce soir sur lesquels on reviendra pas. Les femmes mortes, c'est chaud. Aujourd'hui. C'était chaud, j'ai dit. Voilà, en tout cas, Momo, Tlemcen. Non, c'est une ville de ouais, 150 000 habitants. C'est Los Angeles, c'est et pareil. C'est, non, mais ce que vous vouliez dire par là, que c'était, voilà, par rapport au public, c'était pas forcément gagné et voilà, qu'il fallait soulever les foules. En tout cas, shout out à Tlemcen et à Momo. Le message voilà. Est passé. Merci à vous tous, on se retrouve demain. Merci les Big Flo et Oli. Merci beaucoup, les frangins. Merci les amis, merci si vous nous écoutez, allez choper l'album, on vous rappelle. Un gros big up à C'était Match, Cozy Bang Bang. Cozy Bang Bang et aussi La Cour des Grands. Ah. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. On n'oublie pas. On peut rappeler juste c'est où t'habites, Janine. Demain pour les SAP, c'est oui, exact. Tu as raison de le rappeler. 18h40, à partir de 18h45, mais même si tout au long de la journée, vous voilà. Passez à la radio, vous déposez, on a besoin de paire de chaussures et chaussettes propres, voilà. Évidemment, qu'on ira remettre aux différents campements de migrants qu'il y a sur Paris. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à les déposer. C'est 37 bis rue Greneta à Paris, dans le deuxième. On a aussi besoin de Doliprane pour du device. Voilà, il y a aussi le Golden Cozy, le hashtag Golden Cozy. Voilà, on a la photo, je répète une dernière fois. Balancez la photo sur Twitter. Et voilà, il y aura 5 gagnants, ils vont dessus refait 2 places pour La Cigale. Ouh. Un t-shirt Chiller et l'album. Ouh. Et peut-être du Jack Daniel. Ça c'est le petit mytho de fin, tranquille. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Et plaisir. Et on va retrouver D-Fool maintenant. Et oui, Fredo. Il est là avec toute l'équipe. Yes. Salut tout le monde. Ouais. On est envahi par le Sud-Ouest ce soir. Eh oui. Sud-Ouest. Montpellier, Toulouse. C'est trop là. Ça va les gars? Ça va. Ouais, super, merci. Salut Big Flo, salut Oli, salut C'était Match, salut à tous, salut Sunset, big up à tout le monde. Ouais. Excellent. Voilà, j'ai entendu du blackout. Il faut savoir qu'ils nous ont fait toucher des blattes et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, ah je sais. Ouais. Ça se fait pas, les gars. Et c'est marrant, vous êtes plus revenus depuis. Ah non. Vous avez eu peur. On ne reviendra plus jamais. Ah si. Vous passez dans Planète Rap maintenant, juste avant là. C'est qui a fait le Cozy Bang Bang hier là? Ah, c'est moi. Non, c'est nous. Non, c'est moi. Est-ce que vous pouvez le refermer bien parce que hier c'était cool mais pas trop. Par contre, c'est téléphone. C'est Cozy Cozy et Bang Bang Bang. Voilà, merci. C'est 4 fois d'affilée, le vrai truc. Allez, cozy cozy. Bang bang. Pas mal. Pas mal. Ah ouais. On dirait quelqu'un qui vend des trucs au marché. Cozy cozy. Bang bang. Demain, pas louper dans Planète Rap. Soyez là, 20h, 21h, c'est la dernière de la semaine. Donc à ne pas louper sous aucun prétexte. 20h, 21h, Planète Rap, 21h minuit, Radio Libre. On arrive dans un instant. C'est parti avec vous tous et vous tout en direct. Allez-y, faites tout péter. On se fera un petit DJ Snake dans l'émission. Peut-être d'ailleurs dans un instant.